Une visite au sérail en 1860 par Madame X. Chapitre 1er. Description du sérail. Une grande dame, une pairesse d'Angleterre, Lady Crowan, disait en 1786, dans une lettre datée du Palais de France à Péra : Voyez combien les mots se dénaturent et changent de signification dans les pays étrangers. Nous entendons par sérail l'habitation ou plutôt la prison des femmes. Ici, c'est la résidence du sultan. On ne peut l'appeler son palais car les kiosques, les jardins et les écuries se confondent tellement qu'on pourrait dire que ce sont autant de maisons avec leurs dépendances, bâties sans ordre ni symétrie dans un parc environné de hauts remparts. Cette appréciation est encore parfaitement exacte aujourd'hui. Les murs du sérail forment un triangle inégal dont deux côtés sont baignés par la mer. Le terrain, très accidenté, descend en pente douce jusqu'au rivage que borde une épaisse muraille. Où on aperçoit du dehors plusieurs édifices disséminés parmi des masses de verdure. Les toits en saillie des kiosques et les coupoles d'étain qui remplacent les toits donnent un caractère singulier à ces constructions, dont on ne distingue d'ailleurs que très imparfaitement les détails. Ce site, le plus beau peut-être de l'univers, domine à la fois la Corne d'Or, l'entrée du Bosphore, la côte d'Asie et la mer de Marmara. On entre dans le sérail par une grande porte, dont l'architecture n'a aucun caractère et n'appartient à aucune époque, c'est la sublime porte. De chaque côté, dans le mur, on remarque deux grandes niches où l'on mettait jadis la tête des pachas étranglés par ordre du sultan. Quand l'exécution avait lieu dans les provinces, l'exécuteur bourrait de foin le chef du supplicié, l'enfermait dans un sac de cuir et l'emportait attaché à la selle de son cheval. La tête d'Ali, le féroce pacha de Janina, fut apporté ainsi à Constantinople et exposé sur un plat d'argent pendant 9 jours. Quand on a franchi le seuil de la sublime porte, on se trouve dans une grande cour irrégulière, très peu ombragée et environnée d'édifices qui n'ont rien de monumental. Bientôt, on se trouve en face d'une seconde porte flanquée de 2 tourelles que relie un mur crénelé. C'est Babus Selam, la porte des salutations. Personne du dehors n'avait jadis le privilège d'en franchir le seuil. Si ce n'est les vizirs pour se rendre au divan, et les ambassadeurs lorsque le grand seigneur leur accordait une audience. Elle est comme la sublime porte, gardée par une 30aine de soldats turcs en tenue assez négligée et coiffée de cette ridicule calotte couleur grenat qui fait regretter le bonnet extravagant des janissaires. Au-delà de la porte des salutations, il y a une autre enceinte où de vieux platanes jettent un peu d'ombrage. Tout cela est désert, triste et muet. On avance encore, et l'on aperçoit à travers des massifs de cyprès et de grands sycomores la toiture élégante et les fenêtres treillissées d'édifices qui paraissent habités. Personne n'est admis à parcourir ce coin du sérail où vivent, dit-on, quelques vieilles favorites du sultan Mahmoud et peut-être quelques jeunes veuves du sultan Abdul-Mejid. On se hâte de visiter la collection des armures, la bibliothèque, qui contient une collection peu authentique des portraits des anciens sultans, et l'on gagne les jardins en cherchant des yeux les parterres remplis de fleurs rares, les hautes charmilles à travers lesquelles ne pénètre pas un rayon de soleil, et les cafès cachés dans les sombres bosquets comme au fond d'un labyrinthe. Les cafès, les cages, étaient de petits édifices en pierre solidement construits, où vivaient solitaires les princes de la famille impériale, que le sultan régnant n'avait pas fait mourir à son avènement au trône. Mais tout cela n'existe plus. On n'aperçoit rien que quelques jardinets plantés de lilas et d'autres arbustes vulgaires. En descendant vers Gulanet, la maison des roses, on voit de grands carrés de légumes, piqués çà et là de tournesols gigantesques, et divisés par des haies vives où s'enchevêtrent des liserons blancs. Des bouquets de pins et de sycomores s'élèvent au milieu des espaces incultes, et des rideaux de cyprès étendent de tous côtés leur ombre immobile. Le cyprès est l'arbre du sérail. On l'y trouve partout, et il semble que dans ce séjour témoin de tant de morts violentes, il doit croître sur des tombeaux. Pourtant, son feuillage noir n'a jamais abrité que les nids des tourterelles, tandis que les gais platanes, qui donnent un aspect presque riant à la seconde cour, ont souvent porté au bout de leurs branches la tête sanglante des vizirs. Les édifices qui subsistent encore dans l'enceinte du sérail ne datent guère que du siècle dernier et ne renferment plus que quelques raretés, restes infimes des immenses richesses qui composaient le trésor des empereurs ottomans. Les Turcs, insouciants et fatalistes, n'ont bâti que des mosquées et jusqu'au règne d'Abdul-Mejid, leurs sultans n'ont habité que des palais de bois. Hormis les cafés et les salles voûtées où était enfermé le trésor, il n'existait aucune construction solide dans le sérail. Les incendies étaient fréquents dans ces légers édifices dont les lambris étaient couverts d'enduits résineux. À diverses époques, le feu dévora une partie du sérail et le grand incendie de 1665 détruisit les somptueux appartements du quartier des femmes.